D'où venez-vous si crotté, monsieur le curé? De la foire du marché, Simone, ma Simone. De la foire du marché, ma petite mignonne. Que m'avez-vous apporté, monsieur le curé? Que m'avez-vous apporté, monsieur le curé? Des souliers blancs pour danser, Simone, ma Simone. Des souliers blancs pour danser, ma petite mignonne. Quand est-ce que vous me les donnerez, monsieur le curé? Quand est-ce que vous me les donnerez, monsieur le curé? Quand tu sauras travailler, Simone, ma Simone. Quand tu sauras travailler, ma petite ma mignonne. Je voudrais me confesser, monsieur le curé. Je voudrais me confesser, monsieur le curé. Quel est ton plus grand péché, Simone, ma Simone? Quel est ton plus grand péché, ma petite, ma mignonne? Pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom. C'est n'importe où vous êtes, monsieur le curé. C'est n'importe où vous êtes, monsieur le curé. Il faudra nous séparer, Simone, ma Simone. Il faudra nous séparer, ma petite mignonne. Pom pom pom pom pom. Eh bien, je t'enterrerai, Simone, ma Simone. Eh bien, je t'enterrerai, ma petite mignonne. Est-ce que vous me pleurerez, monsieur le curé? Est-ce que vous me pleurerez, monsieur le curé? Non, puisqu'il faudra chanter, Simone, ma Simone. Requiescat in pace. Ma petite mignonne. Pom pom parom.